Alors, je ne prétendrai pas que mon intervention sera dotée d'une puissante vertu apéritive, mais je vais m'efforcer de ne pas abuser de votre patience. Alors, selon une histoire littéraire encore dominante, même si elle est dépassée, avec les lettres persanes, Montesquieu signerait l'acte de baptême des Lumières que Fontenelle aurait contribué à préparer et dont il aurait contemplé l'explosion en simple mondain. Quant à Saint-Simon, épouvanté par cette illumination, il est, pour reprendre la belle et ironique expression de Marc Hersant, la bouche d'ombre dans le jardin des Lumières. Telle est la vision rétrospective, le schéma caricatural d'une marche en avant des Lumières qui prétend attribuer à chacun des trois auteurs la place que, sans le savoir, il aurait occupée dans l'histoire au moment 1721. Il est facile de trouver des indices, encore une fois appréciés rétrospectivement, susceptibles d'appuyer cette vision. On sait que Fontenelle et Montesquieu se sont très tôt fréquentés, à la cour de Sceaux chez la duchesse du Maine, où Fontenelle brille, dans le salon de la marquise de Lambert, où il tient une position dominante. C'est Fontenelle qui introduit Montesquieu à l'hôtel de Nevers, où l'on ne risquait guère de rencontrer le duc de Saint-Simon, pas davantage qu'à la cour de Sceaux. Fontenelle et le duc, pourtant, tous deux fréquentant Philippe d'Orléans et la princesse palatine, ont bien dû se croiser quelquefois à l'hôtel de Breteuil, par exemple, évoqué dans les souvenirs de Madame de Crécy. Alors, je ne sais pas quelle créance il faut accorder aux souvenirs de Madame de Crécy, ces souvenirs livrent deux informations qui me semblent illustrer assez bien les relations que l'on peut supposer entre Fontenelle et Saint-Simon. On y apprend que Fontenelle venait souper tous les jeudis à l'hôtel de Breteuil, tandis que Saint-Simon s'y rendait en visite, mais ne soupait pas. Ils se croisaient donc dans l'escalier, l'un montant tandis que l'autre descendait. Aux yeux de Fontenelle, nul doute que le courtisan assidu, passionné d'occultisme et de nécromancie, qu'était le duc, fut un homme du passé. Aux yeux du duc de Saint-Simon, le géomètre, homme de lettres, qui ne fréquentait pas Versailles, qui encourageait la passion de Philippe d'Orléans pour la chimie, comble de dépravation, et qui prêtait sa plume à Dubois, n'était pas un homme fréquentable. Saint-Simon n'évoque Fontenelle qu'une fois dans ses mémoires pour rappeler justement cette collusion avec l'infâme Dubois, mais il ne dit rien de la réception par Fontenelle à l'Académie française en 1721 de Dubois, précisément devenu cardinal la même année. Il ne dit rien évidemment du fait que ce n'est pas non plus Dubois qui écrit le discours de remerciement, mais c'est la Motte cette fois, d'une façon ou d'une autre, Dubois emprunter la plume des hommes de lettres. Il ne dit rien non plus de l'apparition des lettres persanes, pour lui un non-événement, mais on sait qu'il les lira et qu'il appréciera assez Montesquieu pour l'accueillir à la Ferté-Vidame. Il ne s'agit pas cependant pour moi de tomber dans le piège des mérites comparés des trois auteurs dans la perspective inversée des Lumières et pas davantage dans celui d'une périodisation qui se proposerait d'en faire remonter le curseur. À la question « qu'est-ce que les Lumières ?», Kant se gardait bien, comme le rappelle Michel Foucault, d'en faire une période, préférant rapporter les Lumières à une attitude de modernité, à une certaine façon de se dégager d'un état de minorité qui faisait accepter l'autorité à quelqu'un d'autre sans faire usage de sa raison. C'est au regard de cette définition kantienne que je m'interrogerai sur le Fontenelle des années 1720, non en projetant une vision à partir de ce qui suit, si nos trois auteurs ont alors le sentiment d'un changement qui, sous les apparences mêmes de l'immobilité, travaille la société en profondeur, Saint-Simon, Montesquieu et Fontenelle. Alors Saint-Simon et Montesquieu l'interprètent en termes d'usure, de dégradation, tandis que Fontenelle y voit l'indice que la pensée humaine a franchi un seuil qui tient à une nouvelle manière de penser, à un art de raisonner qu'il tient pour la marque même de la modernité qu'illustre alors l'Académie royale des sciences, dont il est depuis une vingtaine d'années le secrétaire perpétuel. Est-ce à dire que Fontenelle aurait fait briller les Lumières avant les Lumières, que la Régence aurait frappé les trois coups qui annonçaient les Lumières? C'est là la question. 1721 donc, Fontenelle a 64 ans, l'homme de bel esprit qui brillait dans les ruelles de la fin du Grand Règne est devenu, selon Sainte-Beuve, l'ennemi intransigeant de l'ignorance et le maître à penser d'une nouvelle génération. membre de l'Académie française depuis 1691, accueilli en 1697 à l'Académie des sciences pour en devenir l'influent secrétaire perpétuel en 1699, Fontenelle est aussi, depuis 1701, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il en a obtenu la vétérance dès 1705. Alors ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'il il n'est pas contraint à l'assiduité. En revanche, la vétérance, qui est exceptionnelle hein, pour quelqu'un qui est nommé depuis si peu, lui permet de conserver le droit de suffrage et une voix délibérative en cas d'élection, donc je disais sans contrainte d'assiduité. C'est donc la place politique de Fontenelle qui est ici importante. Il siège depuis 1702 au bureau du journal Les Savants. Il est également membre de la Royal Society de Londres, des académies de Berlin et de Rome. Cette situation éminente, au cœur du dispositif académique qui s'est renforcé d'une réputation européenne par la publication en 1708 d'un volume d'éloges des savants morts de l'Académie des sciences, ne l'empêche pas de mener une vie mondaine intense et d'occuper une position sensoriale tout aussi éminente qui le place, pour reprendre l'expression de Jean-Dominique Mélon, au cœur de l'État culturel. Ce qui a motivé cette succession rapide de brillantes promotions, c'est l'engagement de Fontenelle dans la réorganisation des institutions académiques et de la librairie, dont le chancelier Louis-Philippot de Pontchartrain a chargé son neveu, l'abbé Jean-Paul Bignon, dont Fontenelle est rapidement devenu le bras droit. En Fontenelle, l'abbé Vignon a trouvé un collaborateur qualifié, efficace et pénétré de la même ambition que lui. Fontenelle, en effet, ne s'est pas contenté d'être l'enregistreur. Je crois qu'on m'entend mal à certains endroits. Fontenelle ne s'est pas contenté d'être l'enregistreur du progrès des sciences, de rendre visible ce progrès en même temps qu'il rendrait aimable et respectable les nouvelles sciences, mais il s'est pleinement engagé dans son rôle de philosophe politique et a œuvré à un changement profond des mentalités. Fontenelle fut, pour reprendre les termes de son biographe, l'abbé Trublet, le grand architecte de l'histoire de l'Académie royale des sciences, capable de donner à cette histoire la forme d'un collectif singulier, tout en accordant à chacune des sciences une spécificité épistémologique qui contribuerait à sa plus grande autonomie, et ça c'est une ouverture vers la modernité. Il fut aussi le grand metteur en œuvre du renouvellement de l'Académie des sciences. C'est en investissant pleinement sa fonction de secrétaire, telle que la définissent d'ailleurs les articles 50-52 du règlement, qu'il parvient à faire de cette académie un modèle garant de la qualité des travaux savants, c'est-à-dire que Fontenelle doit recueillir tous les mémoires, tout ce qui se dit, tous les débats, ensuite présenter une histoire de l'Académie française avec des commentaires éventuellement des débats qui se sont tenus, et enfin il conserve, alors c'est lui qui gère l'ensemble des titres, des registres, des papiers qu'il doit remettre au président de l'Académie chaque année. Il est contraint à une assiduité absolue et c'est lui également qui est mandaté pour avoir des liens avec les étrangers, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit les autres académies. Donc, garant du développement d'un espace de discussion ouvert à la raison critique et sur cette base, une pièce majeure de rayonnement de l'État. Simone Mazurik, en plusieurs occasions, a montré la force d'attraction de ce modèle qui devait très vite placer l'Académie royale des sciences au cœur d'un système d'échange dynamique avec les principaux centres culturels de l'Europe, comme d'ailleurs y invitaient également les articles 27 et 28 du règlement. Profitant de sa proximité avec le régent, Fontenelle initie en effet, dans les années qui nous intéressent, une véritable politique de la recherche, proclamant explicitement sa volonté de mettre la science et les savants au service de l'État au nom du bien public. Cette portée politique de la parole académique dont il est le porteur, il la donne à voir tant dans l'histoire de l'Académie royale des sciences que dans les éloges, où il propose une histoire intellectuelle moderne ouverte au débat. L'Académie des sciences elle-même étant présentée comme le lieu par excellence d'une pensée libre où, comme le dit encore Trublet, nul ne peut être réduit au silence. Mais surtout, d'un éloge à l'autre, Fontenelle réussit le tour de force de parler toujours de la science en parlant de chaque savant en particulier. Dina Ribard a analysé la façon, dont en reprenant à son compte l'opposition cartésienne entre philosophie authentique, ce serait la philosophie cartésienne, et les lieux traditionnels du savoir, l'université par exemple, Fontenelle met en avant la force libératrice, la force de rupture qu'aurait eu cette philosophie cartésienne. Alors ça, c'est... Il faut prendre quelques distances par rapport à cet engagement de Fontenelle, cette volonté de présenter la philosophie cartésienne comme rupture. Il l'utilise, mais en réalité, c'est un peu plus subtil que cela. Et quand on regarde les éloges, on s'aperçoit que c'est une espèce de code qui permet de mettre en scène une rupture qu'ensuite, au contraire, et c'est l'essentiel à mon sens, hein, qu'ensuite il reprend et qu'il retravaille pour montrer que justement les ruptures ne sont pas aussi violentes qu'on voudrait le faire croire. En tout cas, devenir savant, ce serait d'abord faire un choix philosophique auquel répond la décision de l'Académie des sciences d'accueillir celui qui a opté pour une nouvelle manière de penser. Cette réflexion que, dans le prolongement de son histoire des oracles et de l'opuscule de l'origine des fables, Fontenelle mène ici sur l'histoire des sciences, débouche, sinon sur une philosophie de l'histoire, du moins sur l'esquisse de son programme. Dès lors que l'esprit humain est capable de s'élibérer des fables, des erreurs, des préjugés, qui trouvent leur origine dans l'ignorance, mais aussi chez les autorités, un progrès collectif est possible, grâce à l'exercice de la raison que chacun possède. Entendons bien que c'est le bon usage seul de cette raison qui permet le progrès dans le domaine de la culture. Il ne suffit pas de posséder la raison. Dans la digression sur les anciens et les modernes déjà, Fontenelle posait le principe d'une égalité intellectuelle entre tous les hommes, les meilleurs esprits évidemment, ouvrant la voie de la libération et du progrès, du passage de l'enfance à la maturité de la raison. Convié à favoriser ce passage à travers le renouvellement de l'Académie des sciences, il s'appliquera à en prévenir les retours en arrière toujours possibles. On notera par exemple que les textes officiels du renouvellement interdisent aux académiciens de se livrer à des recherches touchant à l'astrologie judiciaire, aux sciences divinatoires, à l'alchimie, etc., signifiant par là une condamnation politique de croyances et de pratiques dont on trouvait encore à ce moment-là des traces dans la culture des élites. Boulainvilliers pratiquait l'astrologie judiciaire et le duc de Saint-Simon pratiquait les anciens savoirs interdits par l'Académie royale des sciences. Dès 1699, c'est dans le même esprit que l'abbé Bignon, toujours en s'appuyant sur une équipe restreinte d'académiciens, met en place une censure critique hostile aux superstitions, aux faits peu croyables ou franchement fabuleux. Là encore, Fontenelle intervient de façon déterminante dans la mise en place de nouvelles procédures chargées d'assurer la normalisation de la vie culturelle. De tous les censeurs, Fontenelle est le plus sollicité et le plus efficace. Ses recensions tombent dans les 15 jours. Jean-Dominique Mello, qui a étudié en plusieurs occasions ces questions de censure et de librairie, et aux études duquel je suis redevable ici, insiste sur le fait que non seulement cette activité de censeur n'a pas été purement honorifique pour Fontenelle, mais qu'elle a représenté une forme privilégiée de son pouvoir culturel. Il note encore que dans cette activité censoriale, qui ne pratique ni le clientélisme ni le corporatisme, Fontenelle se présente généralement en approbateur éclairé. Il faut entendre par là que Fontenelle se soucie moins de refuser la publication de certains ouvrages. Il est vrai qu'on ne lui propose jamais les ouvrages de théologie. Et que la seule fois où on lui a proposé les méditations sur le christianisme de Pierre Corneille, qui était son oncle, il a refusé. Ça devait être une histoire de famille. Bon. Ce qui importe à Fontenelle, c'est plutôt de soumettre la production imprimée aux mêmes critères de netteté, d'exactitude et de clarté, dans le but de favoriser le partage critique du savoir et la circulation d'ouvrages, je le cite, « utiles et solides ». Et au-delà de cet idéal, cette nouvelle pratique censoriale annonce en fait une administration dont le mode de contrôle de l'écrit est de plus en plus en phase avec le flux de la production éditoriale. En réalité, ce que l'abbé Bignon et Fontenelle avaient perçu avec peut-être une longueur d'avance, c'est que finalement, à mettre en place une censure négative, eh bien, ils ouvraient les portes de la librairie aux Anglais et aux Hollandais qui, de toute façon, publiaient les textes interdits en France et par conséquent, sur le plan économique, c'était une mauvaise chose. Fontenelle donne ainsi son approbation aux reprises françaises d'éditions hollandaises peu orthodoxes, telles que les Saint-Evremoniana et l'esprit de Guy Patin, tandis que Bignon met dans le même temps au point la fameuse permission tacite d'imprimer qui permet de couvrir sans les cautionner les publications audacieuses imprimées en France et donc du coup non en Angleterre ou en Hollande. La voie est ouverte à Malesherbes. Dans Sur la poésie en général, Fontenelle s'autorisera à faire le constat suivant. Il n'est pas douteux que la philosophie... Alors, il entend par philosophie quelque chose de très large qui recouvre tout l'élément culturel. Hein. Il n'est pas douteux que la philosophie n'ait acquis aujourd'hui quelques degrés de perfection. De là se répand une lumière qui ne se renferme pas dans la région philosophique, mais qui gagne toujours comme de proche en proche et s'étend enfin à tout l'empire des lettres. Encore pour parvenir à ce résultat, a-t-il fallu conduire une politique culturelle consciente de l'allure inégale des progrès de la raison, soucieuse de prévenir tout retour en arrière, en rendant intelligible et désirable au public les changements en train de s'effectuer. Entreprise plus audacieuse qu'il n'y paraît, car faire sortir le public, et là je rejoins ce que disait Catherine Volpiac-Auger tout à l'heure, on n'a pas encore d'opinion publique, le public n'est pas encore invité à s'exprimer, on est dans la phase où il s'agit de le former à user de sa raison. Donc, entreprise audacieuse, disais-je, faire sortir le public de son état de minorité, pour reprendre le terme kantien, par un changement qu'il devra opérer sur lui-même, ne relève pas de la simple vulgarisation, ni d'une idéologie superficielle du progrès, mais conduit à proposer une échelle de valeurs nouvelles. Dans ses préfaces, aux travaux de l'Académie des sciences et plus encore dans ses éloges, Fontenelle ne se contente pas de mettre au jour et en scène le triomphe de la raison sur l'ignorance, il s'attache à montrer comment il en résulte un déplacement significatif, par exemple, des notions de gloire et de barbarie. Qu'il est possible, en raisonnant juste, d'amener le public à opérer des progrès dans sa manière de penser, ou du moins à porter un regard neuf sur les choses, l'histoire des oracles en avait donné un exemple en examinant la seconde cause de leur décadence. La première cause de la décadence, on considérait que c'était l'arrivée du christianisme. Fontenelle accorde une très grande importance à la seconde cause, c'est la philosophie, vous allez voir. Du temps d'Alexandre et un peu avant Pyrrhus, il se forma dans la Grèce de grandes sectes de philosophes qui se moquaient des oracles, les cyniques, les péripatéticiens, les épicuriens. Il n'est pas possible que les philosophes n'ouvrissent les yeux à une partie des gens raisonnables et qu'à l'égard du peuple même, ils ne rendissent la chose un peu moins certaine qu'elle n'était auparavant. Quand les oracles avaient commencé à paraître dans le monde, la philosophie n'y avait point encore paru. Examinant les sciences dans leur rapport à la société du temps, Fontenelle reprend la même méthode, répondant à la curiosité du public sans pour autant céder à la moindre complaisance sur ce qu'il estime l'essentiel, penser juste. Il exprime cet impératif, qui est aussi une proclamation de la capacité de la raison à être libre et souveraine, sans plus se préoccuper du socle théologico-métaphysique. Et ça, c'est très important, parce que là encore, on a dit que Fontenelle restait un homme à manchette et à dentelle. Il y a une radicalité dans les éloges, même, hein, qui ne se voit pas toujours, parce qu'effectivement, c'est feutré, c'est couvert, c'est enveloppé, mais la chose est dite, et il y a cette volonté de s'adresser au public selon ce qu'il voudra bien entendre, hein, de la part de Fontenelle. Donc, dans ses préfaces, hein, il exprime de façon très ferme, hein, dans la préface sur l'utilité des mathématiques et de la physique, par exemple, il exprime cet impératif de façon très ferme. Il est toujours utile de penser juste, même sur des sujets inutiles, ou encore, quand les nombres et les lignes ne conduiraient à rien, ce seraient toujours les seules connaissances certaines qui aient été accordées à nos lumières naturelles, et elles serviraient à donner plus sûrement à notre raison la première habitude et le premier pli du vrai. Alors, je ne développerai pas, mais il y a là, dans la préface d'utilité de la physique et des mathématiques, une polémique qui est lancée contre Pascal. Hein, Pascal voulant humilier la raison pour ramener l'homme à Dieu, Fontenelle oppose au pari pascalien le pari de la raison en disant « c'est peu de choses, mais pensez juste, c'est toujours ça ». Alors on est là, évidemment, sur des positions radicalement différentes. Dans les éloges, il fera varier l'intensité de l'éclairage en présentant la capacité de cette manière de penser juste à changer la société tout entière à travers une nouvelle mythologie visant à faire découvrir la gloire de ces esprits rares que sont les savants, un public qui les méprise, au mieux les ignore, sur le fond de ce qu'il appelle une barbarie française qui se manifeste en particulier dans le mépris des nobles à l'égard de la profession de mathématicien qui, pour Fontenelle, occupe le sommet de la hiérarchie académique. Exemple, le marquis de l'Hôpital qui, à 15 ans, surprend les géomètres réunis chez le duc de Rohanais en résolvant un problème difficile posé par Pascal sur la roulette, doit cacher ses talents et jouer l'ignorant par bienséance lorsqu'il sert comme capitaine de cavalerie. Dans l'éloge de M. de la Fée, lui aussi militaire et géomètre, Fontenelle lancera cette flèche. La plupart des gens de guerre font leur métier avec beaucoup de courage. Leurs bras s'agitent aussi vigoureusement que l'on veut, leur tête se repose et ne prend part à rien. Ainsi, Fontenelle construit-il l'héroïsme savant en stricte opposition avec l'héroïsme dont se réclame la noblesse d'épée. Aux origines fabuleuses des nobles sur lesquels il ironise, alors c'est dans l'éloge de M. d'Argenson qui est prononcé en 1721 précisément, s'il y a du... Alors là encore, vous voyez, il le fait de façon feutrée parce qu'il s'adresse quand même à un public parmi les honoraires, ce sont des nobles. Et donc il dit ceci, s'il y a du fabuleux dans l'origine des grandes noblesses, du moins y a-t-il une sorte de fabuleux qui n'appartient qu'à elle et qui devient lui-même un titre. Fontenelle oppose l'origine singulière des académiciens que l'on pourrait définir en reprenant les termes de Walter Benjamin, non comme ce qui désignerait le devenir de ce qui est né, mais comme ce qui entraîne dans son rythme la manière de ce qui est en train d'apparaître. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'aux yeux du secrétaire de l'Académie royale des sciences, l'idéal aristocratique de gloire militaire appartient au passé, au même titre que le roi de guerre en personne. Dans l'éloge de M. de La Hire, il le dit explicitement, « L'esprit de la science et celui de la cour sont incompatibles. Les académiciens, par définition, sont des hommes libres que leur sens de l'utilité et du bien public éloignent d'un désir de gloire purement personnel. » Et je signale en passant que jamais Fontenelle ne réclame l'annoblissement pour les plus grands savants. Le grand ingénieur qu'est Vauban, figure exemplaire également admirée de Montesquieu et de Saint-Simon, est le modèle absolu du grand homme selon la nouvelle échelle de valeur. Passionnément attaché au roi, Vauban l'est davantage encore au bien public, au bonheur et à la conservation des hommes qu'il commandait. Après avoir évoqué de façon feutrée le courage de l'auteur de la dîme royale, Fontenelle lance ce trait, il résistait en faveur de ses hommes à l'impatience des généraux et s'exposait au redoutable discours du courtisan oisif. Vauban, plus grand que Louis XIV, change la guerre et l'inscrit dans la marche du progrès grâce à une méthode appuyée sur la géométrie. Petite parenthèse, dans la préface de l'utilité des mathématiques et de la physique, il y a un développement qui peut nous sembler assez stupéfiant sur les progrès de lancer des bombes. On retrouve les lancements chirurgicaux auxquels prétendent les armées modernes, c'est-à-dire que Fontenelle très sérieusement dit avec le progrès qui sont effectués dans la précision du lancement des bombes, il y a moins de morts et moins de blessés. Il est convaincu qu'il y a là un progrès. Je ferme la parenthèse. En tout cas, Vauban donc ne sollicite rien pour lui-même et c'est l'Académie des sciences qui va demander au roi de le nommer comme honoraire. Montesquieu, dans les lettres persanes, fait écho à Fontenelle. Pour lui non plus, la grandeur n'est plus associée à la gloire militaire. Et comme l'a fait observer Dirk van der Kruis dans Madame Palatine, l'Académie royale des sciences n'est-elle pas ancienne, en train de devenir l'un des nouveaux lieux de la politique? Les années de la Régence en donnent la démonstration. Et on va le voir maintenant, puisque je vais parler d'un personnage important qui fait le lien entre le domaine du politique et le domaine de la science. En effet, s'il est un homme qui n'a besoin de se réclamer ni de ses origines nobles, ni de son rang prestigieux, ni de ses exploits militaires qui, en ces années-là, a stupéfait l'Europe, ni d'un savoir dont on lui reconnaît l'étendue pour retenir l'attention des personnes de Montesquieu, fascinées tant Fontenelle que le duc de Saint-Simon, c'est le tsar Pierre Ier de Russie. Je cite Fontenelle, « Né dans une barbarie si épaisse et avec tant de génie créateur d'un peuple nouveau, Pierre le Grand, qui s'est instruit de tout, qui a gravi les degrés de la carrière des honneurs sur son seul mérite, qui a ouvert la Russie à la modernité en y introduisant le mouvement, et de ces hommes rares qui ont la puissance de contraindre l'histoire, car, dit Fontenelle, formé des mains de la nature avec des qualités insurmontables. Saint-Simon ne voit pas le tsar autrement, il est simplement plus sensible que Fontenelle à certains signes qui retiennent le regard des courtisans. Comme Fontenelle, il note chez le tsar, je cite, « un reste de mœurs barbares qui sentait encore le russe », mais il admire son air de grandeur naturelle, une liberté au-dessus de tout, une simplicité qui ne l'empêche pas face aux régents de s'imposer par un grand air de supériorité. Comme Fontenelle encore, il admire le profond désir du tsar de sortir son pays de la barbarie en des termes qui font écho à l'éloge que prononcera Fontenelle en 1725. Je cite Saint-Simon. « Ce monarque se fit admirer par son extrême curiosité, toujours tendante à ses vues de gouvernement, de commerce, d'instruction, de police, et cette curiosité atteignit à tout et ne dédaigna rien, dont les moindres traits avaient une utilité suivie, marquée, savante, qui n'estima que ce qui méritait de l'être et qui brilla l'intelligence, la justesse, la vive appréhension de son esprit. » Tout montrait en lui la vaste étendue de ses lumières et quelque chose de continuellement conséquent. Fontenelle aurait pu écrire ça. Dans les lettres persanes, le tsar correspond à la définition même du despote et les mœurs de la Moscovie, situées, il est vrai, dans un climat affreux, sont présentées comme assez déconcertantes, comme le prouve la lettre d'une jeune femme qui se plaint à sa mère d'être maltraitée et mal aimée de son mari parce qu'il ne la bat point. Mais dans les lettres persanes, Pierre Ier est présenté certes comme un despote, mais despote réformateur qui a su combattre l'emprise d'un clergé ignorant. Montesquieu ne formule pas ici le concept du despote éclairé, quoi qu'on le sente sous-jacent. Ce concept, ou plutôt ce mythe agissant des Lumières, c'est Fontenelle, qui en pose les fondements, qui en a d'ailleurs déjà posé les fondements dès 1717 dans l'éloge de Leibniz, qui venait de mourir, avant d'en préciser justement ses contours dans l'éloge du tsar un peu plus tard en 1725. Entre ces deux dates, entre l'éloge de Leibniz et celui du tsar, on constate en 1721 précisément, le dictionnaire de Trévoux enregistre l'évolution de sens des termes despotisme et despote. Si en effet, dans le dictionnaire de Furtière de 1690, despote est défini comme titre d'honneur et qualité qu'on donne au prince de Valachie et Valachie peut-être et à quelques autres voisins, despotisme devient en 1721 dans le dictionnaire de Trévoux la forme de gouvernement dans lequel le souverain est maître absolu. Alors revenons un instant à l'année 1717 qui vit Fontenelle accueillir le tsar à l'Académie des sciences et prononcer l'éloge de Leibniz. Dans cet éloge, qui avec ceux de Vauban, du tsar et de Newton a été l'un des plus diffusés à travers l'Europe en opuscules séparés, Fontenelle évoque la rencontre du tsar et du grand philosophe réunis dans la même exigence moderne de rationalisation de la politique. Je cite, « Le tsar qui a conçu la plus grande et la plus noble pensée qui puisse tomber dans l'esprit d'un souverain, celle de tirer ses peuples de la barbarie et d'introduire chez eux les sciences et les arts, alla à Torgau, y vit et consulta beaucoup M. de Leibniz sur son projet. C'est un bonheur rare pour un sage moderne qu'une occasion d'être législateur des barbares. » Dans l'éloge du tsar, Fontenelle n'hésitera pas à gommer certains épisodes particulièrement violents du règne de Pierre Ier, l'impitoyable répression des Strelitz, l'assassinat du tsarévitch, pour faire valoir l'emploi légitime de l'autorité despotique face, je disais tout à l'heure, c'est lui qui construit ce mythe du despote éclairé, donc légitimité de l'autorité despotique face à un peuple dur, hostile aux réformes, indocile et paresseux. Comme Montesquieu, Fontenelle est particulièrement sensible à la mise au pas par le tsar d'un clergé riche à l'excès, trop puissant pour établir, je cite, « une pleine liberté de conscience dans ses états ». Article poursuit prudemment Fontenelle, dont le pour et le contre peut être soutenu et par la politique et par la religion. Mais lu dans son intégralité, cet éloge donne à réfléchir au public français des années 1720. Pierre le Grand a pu imposer à un peuple barbare, non sans violence certes, des réformes inspirées de modèles que l'Europe avait mis des siècles à former et dont il a su en peu de temps tirer le meilleur. Or, ces réformes de l'État et de la société, pour avoir été seulement suggérées en France, ont valu la disgrâce à Vauban, à Bois-Guilbert, à Fénelon et plus récemment son expulsion de l'Académie française à l'abbé de Saint-Pierre. D'un côté, le progrès, mais associé à la violence, de l'autre, l'immobilisme d'un absolutisme qui arrête aux portes des académies les progrès d'un esprit humain devenu capable d'étendre à la politique les nouvelles procédures intellectuelles. Entre les deux, et c'est ça qui est important parce que je pense qu'il y a une spécificité de ces années 20, entre les deux, une réalité historique complexe qui interdit à ses observateurs d'ignorer le poids des héritages et la nature nécessairement composite des établissements nouveaux. On peut penser ici, mais pas seulement, aux audacieuses expérimentations et aux échecs de la Régence, consciente de la nécessité de réformes, notamment dans le domaine de l'économie, pensez à la mise en place et à l'échec en 1721 du système de l'eau, hein, car s'il n'est d'histoire que du changement, comme l'affirment Fontenelle et Montesquieu, le changement des règles d'une société et le passage d'un ordre à un autre ne va pas sans désordre. Et s'intéressant tous les trois à une histoire du temps long, Saint-Simon, Fontenelle et Montesquieu s'attachent précisément à saisir sous le désordre phénoménal de l'actualité, pour l'un les signes annonciateurs du chaos, pour les autres les principes logiques qui donnent sens aux évolutions dont on perçoit et dont on ne mesure que très partiellement la portée. Saint-Simon n'accepte pas cette époque mobile et passionnée. Il reste attaché à l'image fixe d'un ordre pour lui idéal, et ne voit dans le présent que les signes du lent effritement de cet ordre. Mais s'il voit dans la désorganisation des rangs et des préséances effectuées par l'absolutisme les prémices d'un chaos susceptible d'entraîner la société tout entière vers l'abîme, a-t-il tort de pressentir que c'est son existence politique même qui se joue ? Dans l'ouvrage récent où elle analyse la façon dont la société de cour s'est peu à peu organisée selon une hiérarchie de lignage, donnant au monarque un statut de référent absolu, Fanny Cosendet écrit ceci. Les rangs et les préséances répondent à des invariants, se calquent sur les exemples précédents jusqu'à faire de la répétition une justification des places et proposent en même temps des rapports hiérarchiques adaptés au contexte sociopolitique. Et elle explique que Louis XIV ne fait qu'adapter ses rapports hiérarchiques à une situation neuve lorsqu'il légitime et donne rang à ses bâtards en les plaçant au-dessus des pairs, et le même Louis XIV ne fait qu'achever le processus lorsqu'il les met ensuite sur les rangs de la succession. Cela dit, Saint-Simon ne s'y trompe pas, pas davantage que la Palatine. Personne n'a plus lucidement compris que lui, que cette recomposition hiérarchique sur laquelle beaucoup ont ironisé, hein, même le régent qui se moquait un petit peu hein, de son intérêt pour les rangs, hein, cette recomposition hiérarchique sur laquelle la régence d'ailleurs n'est pas revenue, n'est pas totalement revenue en tout cas, pour les légitimer oui, hein, menaçait en fait en profondeur, en effet, l'ordre auquel il était attaché. Usbek n'est pas le seul à percevoir les tensions et les évolutions sous l'apparente immobilité sociale à laquelle Louis XIV avait réussi à faire croire. Saint-Simon voit encore juste lorsqu'il interprète la polysynodie mise en place par le régent comme le signal de fin de partie pour la noblesse. Que la régence absolue, je reprends le titre d'Alexandre Dupillet, hein, il y a vraiment une régence absolue, hein, est parvenue par cette habile procédure à réduire à un rôle secondaire. Mais le régent, lui aussi, voit juste lorsque l'abbé de Saint-Pierre, dans son discours sur la polysynodie, écrit en 1719, plaide pour maintenir les conseils, mais dans une interprétation qui est diamétralement opposée à celle de Saint-Simon, l'interprétation de l'ami de Fontenelle, le castel de Saint-Pierre, confirme bien la mise à l'écart de la noblesse, mais également le changement de caractère de la monarchie absolue qui, dans la polysynodie telle qu'il l'interprète et la soutient, n'a plus, tant s'en faut, les caractères impérieux qu'elle avait pour Saint-Simon. Philippe d'Orléans a très bien compris que les propositions de l'abbé de Saint-Pierre tendaient à faire évoluer la nature du régime de telle façon que le roi, entouré de conseillers choisis sur des critères désormais de compétence, Castel de Saint-Pierre, hein, demande une sorte de, ce qu'il appelle un scrutin, hein, mais il souhaite que ce soit des sortes d'experts qui soient recrutés sur des compétences précises. Hein. Donc, le régent a très bien compris que, entouré de ses conseillers choisis sur des critères de compétence, eh bien, le roi perdait de son influence et de son importance. C'était évidemment inacceptable pour celui qui était chargé de transmettre l'autorité reçue d'un roi à son successeur légitime. Et voilà comment l'abbé de Saint-Pierre fut exclu à l'unanimité, moins la voix de Fontenelle, de l'Académie française. Le discours sur la polysynodie éclaire à sa façon l'évolution de la pensée politique dans les années qui nous intéressent. Le texte ne porte pas sur la régence, mais sur le fonctionnement de la monarchie. Or, comme l'observe Alexandre Dupillet dans une introduction encore non publiée au discours, il n'y est plus question de souveraineté ni de droit divin. Nous sommes clairement engagés, avec ce discours sur la police inaudite, dans un processus de sécularisation de la politique, d'abandon progressif du sacré dans la sphère du pouvoir. On peut aussi se demander, en lisant ce texte, si l'abbé de Saint-Pierre, s'adressant, puisqu'il adresse le texte au régent, s'adressant au prince philosophe, c'est ainsi que Fontenelle nomme le régent dans l'éloge de M. de Homberg, si l'abbé Saint-Père ne cessait pas, dans cet ouvrage, à endosser le rôle du philosophe tel que le même Fontenelle l'avait esquissé dans l'éloge de Leibniz. Analyser le temps présent pour en corriger les défauts, reconsidérer les formes du pouvoir pour en inventer de nouvelles formes et mettre en un mot la pensée en situation d'user de toute sa puissance pour mesurer ses différences avec le passé, appelle à une connaissance objective des rapports humains au sein de l'organisation sociale et politique qui les détermine. Fontenelle l'exprime avec force dans le petit opuscule sur l'histoire dont il n'est pas impossible qu'il soit une reprise de l'origine des fables dans les années 1720 précisément. On ne peut pas le prouver parce qu'on n'a pas, pas de manuscrits, on n'a pas de notes, pas comme Montesquieu. L'histoire, estime-t-il, est inutile lorsqu'elle ne sert qu'à garder... par une vaine curiosité le souvenir des choses passées. Elle ne l'est plus lorsqu'elle décide de procéder sur le modèle des systèmes de philosophie. J'appelle, je cite Fontenelle, j'appelle utile quant à ce qui regarde l'esprit tout ce qui nous conduit à nous connaître ou à connaître les autres, et ces deux choses paraissent à peu près également utiles parce que souvent on se connaît mieux dans les autres que dans soi-même et qu'enfin il est fort à propos de savoir comment sont faits les hommes avec qui on a tant de liaisons différentes. C'était ouvrir là le chantier des mœurs que les lettres persanes, précisément, entreprennent d'explorer. C'est appeler à une analyse informée des formes de gouvernement et la vigueur critique des années 1720 va s'emparer de ce nouvel objet d'étude. Faut-il rappeler la création du club de l'entresol, dont Montesquieu et l'abbé de Saint-Pierre furent membres? Au club de l'entresol, on ne se contentait pas de lire et de commenter les gazettes. C'est un lapsus qui... On voit qu'on est près de midi. Donc, les gazettes européennes et non pas les galettes. Donc, on ne se contentait pas les commenter. On réfléchissait en véritable académicien de sciences politiques sur les traités de paix anciens et récents, sur les réformes qu'auraient exigé les finances, le commerce, la fiscalité. On y discutait, certes, des choix d'une politique anglaise par le régent et Dubois, mais on s'y absorbait également dans les ouvrages du comte de Boulainvilliers sur les origines du système féodal et sur les droits de la noblesse face à la couronne. On sait ce qui arrivera et la fermeture du club par Fleury, qui avait une autre conception de l'histoire et du pouvoir, témoigne précisément de la fécondité et de la nouveauté de ce qui se passait à l'intérieur du club. Je vais conclure en revenant à la double question posée, lumière avant les lumières, lumière ou aveuglement. Ce qu'on peut avancer, c'est que Fontenelle, Saint-Simon et Montesquieu ont tous les trois conscience qu'à garder les yeux fixés sur le soleil qui a illuminé le grand siècle, fut-il couché, on court le risque en effet d'être aveuglé et de demeurer dans la nuit d'ignorance. Tous les trois partagent la conviction que la lumière ne peut venir que d'un point de vue qui permet d'observer la face cachée des choses et de déployer une pensée libre. Et là, j'avais envie de développer, mais je ne vais pas le faire, cette question du regard et du regard multiple qui est extrêmement important. J'étais très frappée lorsque le tsar arrive à la cour, on veut présenter Saint-Simon au tsar, et Saint-Simon dit non, non, non, parce qu'il veut le regarder avec distance, et on imagine Saint-Simon dans un petit coin, regardez ce russe qui vient d'arriver, et garder justement son anonymat, ne pas se mettre dans la lumière pour pouvoir observer, analyser. Fontenelle, alors, en d'autres termes, présente les choses, alors, avec évidemment, de la part de Fontenelle, cette position éminemment polémique à l'égard de la religion. Fontenelle dit « La révélation n'illumine rien. Elle prétend tout faire comprendre et à la révélation qui rendrait la nature intelligible, Fontenelle oppose les travaux minuscules, minutieux des savants, Tournefort, dont l'Américain a parlé tout à l'heure, hein, Tournefort explorant les grottes souterraines et découvrant les mystères de la nature, ou Art Soccer avec son microscope découvrant avec ahurissement les spermatozoïdes et ne sachant pas ce que c'était que ces petites choses. Bon. Et là, Fontenelle dit, voilà, on explore de cette façon minuscule les mystères de la nature. Évidemment, on est, hein, sur on est à un autre, dans une autre perspective. Et donc, la Régence, me semble-t-il, dans cette perspective, a permis, dans une large mesure, une audace intellectuelle qui ne se contentait pas d'un éclairage de surface. Fontenelle, à la fin de sa vie, confiera à Trublet que la Régence du prince savant et éclairé, qui était Philippe d'Orléans, avait été un temps merveilleux. Entendons bien, quand Fontenelle dit un temps merveilleux, il ne pense pas aux galopades, à cette... Non, merveilleux au sens, les merveilles de la raison, c'est un temps où la raison s'éveille et fait passer des merveilles, si vous voulez, de la superstition, hein, des miracles, aux merveilles de la science. Hein. Dès lors, faut-il déformer la puissante originalité des années 1720 en la soumettant à un modèle de périodisation en trompe-l'œil qui consisterait, encore une fois, à l'envisager rétrospectivement à partir des Lumières? Les redéfinitions historiographiques suscitent toujours des réaménagements infinis et toujours au risque d'illusions rétrospectives. Si, rétrospectivement, dans la politique culturelle qu'a conduite Fontenelle, il a assis les fondements et pourvu l'arsenal de ce qu'on nommera les Lumières. Si, dans son refus de l'obscur, il a largement contribué à la mise en place du langage des Lumières. Si le premier, il a fait événement dans le rôle de philosophe, il a aussi choisi d'emblée de se mettre hors jeu, comme l'a très bien montré Jean d'Agen. Dans les années de la Régence, se construit une réflexion sur l'état absolutiste, sur le temps, sur l'histoire, qui autorise en effet un discours neuf sur le devenir historique. Mais aussi bien Jean-Marie Goulmeau que Fanny Cosendet, que je citais tout à l'heure, ou Robert Desimon, tous admettent qu'on ne peut pas comprendre cette nouveauté sans tenir compte de l'immense travail de réflexion réalisé par les partisans du duc de Bourgogne, dont Saint-Simon faisait partie, que s'il visait, alors si ce groupe visait le renouveau du pouvoir aristocratique, il n'en avait pas moins contribué très puissamment à élaborer une idée générale de la liberté, à faire avancer les idées de paix, d'harmonie civile, voire de bonheur. Ce n'est pas pour rien que le siècle des Lumières et Rousseau continueront de lire Fénelon. Et je vous parlais tout à l'heure du club de l'entresol, la petite académie de 1692 de l'abbé de Choisy, et là, Fontenelle en faisait partie, anticipait déjà, à la fin du grand siècle, le club de l'entresol. Fontenelle, enfin, récuserait toute lecture positiviste des progrès de l'esprit humain que nous aurions tendance à plaquer sur son choix de modernité. Dans la réflexion qu'il mène sur l'histoire, il ne s'intéresse pas plus à la périodisation qu'aux événements qui permettent de les construire. Il met au contraire l'accent sur l'extrême complexité des passages qui en rend toute reconstruction aléatoire. J'en prendrai un exemple pour terminer. Lorsque dans l'histoire des oracles, il s'interroge sur la cessation des oracles, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon la tradition, aurait exactement correspondu avec une rupture, qui était l'arrivée du christianisme, eh bien, que montre Fontenelle ? Non une rupture, mais la lente, très lente disparition des oracles sous l'effet de causes multiples. Il montre surtout, sous la religion nouvelle, qui est le christianisme, tout ce que le christianisme emprunte au paganisme, au néoplatonisme et à d'autres courants philosophiques en les amalgamant au fil des circonstances et des besoins. Ce qui est sûr, c'est que le temps merveilleux de la Régence, qui a sa part d'ombre également, est bien autre chose qu'une simple parenthèse entre le couchant du soleil de Versailles et les Lumières, un temps qui s'est vécu, et ça me semble extrêmement important, pour cette période, un temps qui s'est vécu et qui a réfléchi avec force au présent. Et c'est sans doute pour cela que les lettres persanes firent événement, hein, lorsqu'elles paraissent en 1721, et que les mémoires de Saint-Simon sont inclassables, particuliers, originaux. Je vous remercie. Cet exposé admirable suscitera certainement des questions, des réflexions. Bon, je vais peut-être en poser, effectivement. Oui. De quoi ? Non, ben, je vais peut-être en poser, intervenir. Si ben vous voilà, je vous en prie, Monsieur le Président. Merci, Dirk. Merci beaucoup, Claudine, pour cette belle intervention. Vous avez cité Alexandre Dupillet. C'est un livre qu'il faut relire et méditer, qui a démontré que la police inaudite n'a pas si mal marché que ça, même si elle est derrière nous pour la présente séance. Hein, elle est terminée en 1718. Alors, je pense à Saint-Simon et compagnie. À quel niveau sont les lumières dans leur état d'esprit? C'est comme des strates archéologiques dans l'état d'esprit. Ou géologiques dans l'esprit d'un Saint-Simon et compagnie. C'est peut-être géologiquement tout à fait au fond que ça peut affleurer, que c'est en gestation, que ça n'apparaît pas vraiment. Saint-Simon a de ces réactions bizarres. Il dit à propos de Philippe d'Orléans, il avait trop de lumière pour être athée. Je vous laisse méditer cette simple phrase. Et la bibliothèque religieuse de Saint-Simon est une bibliothèque éclairée. Je trouve aussi. Hein, il n'est pas du genre foi du charbonnier. En même temps, chez lui, les grands seigneurs au conseil, très bien, mais pas n'importe qui, bien entendu. C'est-à-dire que dans sa tête, il faut quand même la compétence. Le personnel de la police inaudite n'a pas été mauvais du tout, non plus. Et Saint-Simon, lui, fait son éducation d'homme politique dans les années 1710. C'est une véritable éducation qu'il suit avec des textes. Et c'est pas pour rien que le chancelier de Pontchartrain lui écrit « Vous êtes homme d'État par vous-même et duc et pair par un autre ». C'est à peu près, c'est une très jolie phrase lancée en 1711 par le chancelier de Pontchartrain. Alors, les mathématiques, par exemple, c'est vrai que certains, ces grands seigneurs ou seigneurs, le marquis de l'Hôpital, tous ces gens que vous avez cités, ils ajouteraient d'Angeau. Alors, j'allais en parler, L'algébriste naturel, comme l'appelle, c'est un éloge qui me fait rire. Terrible, hein. Parce que je me suis demandé, Fontenelle n'a pas grand-chose à dire sur ce collègue si fade, et cependant, il a trouvé un sujet d'éloge. D'Angeau a potassé des ouvrages de probabilité, ce qui lui a permis de gagner au jeu d'argent, et donc de gagner, de faire fortune. L'éloge est absolument d'une ironie sous-jacente, tout à fait sympathique. Mais en fait, par ailleurs, sous ces mathématiques, c'est quand même à la base de l'art militaire, de la navigation. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Ce n'est pas une matière valorisante. C'est-à-dire que ce que Fontenelle veut dire aussi, dans sa fameuse préface, sur l'utilité mathématique, il développe en disant que il sait très bien, d'ailleurs lui-même fréquente des nobles qui sont la preuve, l'hôpital et d'autres, c'est une volonté de sa part d'afficher. C'est pourquoi je disais, ce qui est important chez lui, c'est cet engagement politique auprès de Bignon, à la demande de Pontchartrain. Ils sont payés pour ça, pour montrer que on est engagé dans un processus particulier, mais on n'ignore pas pour autant. C'est pourquoi je disais, quand on lit les éloges de Fontenelle, on s'aperçoit d'un éloge à l'autre qu'il est extrêmement attentif, justement à ce qui pourrait représenter comme un piétinement sur cette marche du progrès. Et c'est pourquoi j'ai insisté à la fin en disant, moi, ce qui me frappe dans ces années de la Régence, c'est cette capacité extraordinaire à réfléchir sur le présent, sur l'actualité, sur ce qui se passe dans toutes ces contradictions, avec toutes ces difficultés, quitte à aller à l'échec quelquefois. C'est pas parce que le terme de lumière, au singulier comme au pluriel, est constamment présent dans les textes, que pour autant ils sont là en train de se dire on va vers les lumières. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que ce que vous disiez ce matin, Philippe, excusez Catherine, l'idée de... alors d'abord de crise de la conscience européenne entre une lumière et une autre, c'est pas possible, ça ne marche pas. Et je reviendrai à Alexandre Dupillet, ce que dit aussi Joël Cornette dans son introduction à la Régence absolue, où il dit il y a effectivement une originalité, une spécificité de la Régence qu'on a tendu constamment à gommer, à écraser, alors que, à mon sens, c'est pas un hasard, moi c'est cette période-là qui m'intéresse particulièrement, je trouve que c'est certainement une des périodes les plus fécondes dans la remise en cause, dans la réflexion, et c'est pourquoi Saint-Simon est intéressant, parce que précisément, il fait partie de ces hommes intelligents qui ont compris ce qui était en train de se passer. Oui. On ne peut pas dire que l'époque fleurie va être particulièrement, ça, c'est chose, va être particulièrement une époque d'avancée. C'est pas hasard s'il écrit des mémoires à ce moment-là. Oui, oui, oui. Pas, il me semble. Oui. Alors, Saint-Simon possédait l'histoire de Charles XII, hein, mais sûr que dans sa tête, comme pour Voltaire et pour Montesquieu, c'est Pierre le Grand qui est le héros du livre de Voltaire et non pas Charles XII, hein, c'est-à-dire l'homme de civilisation. Oui, hein. Tout à fait. On est bien d'accord. Merci Claudine encore. C'est plutôt une remarque. J'ai été intéressée par ce que vous disiez sur la gloire, selon Fontenelle, donc une gloire intellectuelle, et je me disais qu'il serait intéressant de réfléchir à la gloire chez Saint-Simon, qui, il me semble, mais je n'ai pas assez, en y réfléchissant pendant votre intervention passionnante, que c'est une gloire qui est la vraie gloire chez lui, chez Saint-Simon, elle est spirituelle. C'est la gloire du duc de Bourgogne et Louis XIII, une apothéose vraiment en Dieu. Très peu de gloire militaire. Il y a une gloire au sens de la renommée, mais voilà, il me semble que c'est un, enfin, ça permet bien de montrer la différence entre leurs regards tout de même. Oui, tout à fait, oui. Et je me demandais si chez Montesquieu on avait ce concept, à qui est-il réservé, sans doute pas dans les lettres persanes, mais bah, c'est voilà. C'est-à-dire que j'avais retenu trois lettres persanes. Pardon, oui, trois lettres persanes, je n'ai pas le numéro là, mais où effectivement Montesquieu allait dans le même sens d'une gloire qui n'était plus militaire, hein, mais ce qui n'exclut pas effectivement l'idée d'une idée de la gloire beaucoup plus complexe, c'est évident. Et ce que vous dites sur Saint-Simon, oui, mais ça, Fontenelle, automatiquement l'occulte, ça c'est une évidence, hein. Oui. Ça aurait été intéressant quand même d'entendre ce qu'ils avaient pu se dire un jour en se croisant quelque part, parce que tous les deux étaient assez rosses quand même, hein, dans leur façon de parler et d'aborder les choses. Et certainement là, ça aurait été intéressant de savoir ce qu'ils pensaient tous les deux de la gloire. Monsieur, est-ce que dans... Oui, Schulman, est-ce que dans votre panthéon, il y a une place pour Pierre Bel? Et quelle est-elle? Est-ce que notamment le dictionnaire de Bel était dans la bibliothèque de Saint-Simon? Oui, oui, il y était. Alors, en ce qui concerne Fontenelle, les liens de Bel et de Fontenelle sont des liens très profonds, anciens. Hein. Le jeune Fontenelle envoie via le circuit protestant et les Banages ses premiers textes à Bel. On ne comprend pas Bel sans Fontenelle. Enfin, je veux dire, il y a là quelque chose de puissant. Hein. Il y a non seulement des interactions, mais Fontenelle pense ses premiers textes, réfléchit, écrit à partir de Bel. Pas seulement le dictionnaire, d'ailleurs. Hein. L'ensemble de ce que Bel a écrit. Et puis, c'est aussi... Il est journaliste quand il est jeune. Hein. Il écrit dans le Mercure de France. Et il est évident que les nouvelles de la République des Lettres font aussi partie des choses qu'il lisait constamment. Oui, non, c'est très... Jean-Pierre Poussou, madame, c'était tout à fait passionnant. J'ai simplement deux points quand même où j'aimerais peut-être que nous en discutions. Le premier point, c'est par rapport à la disgrâce de Vauban, que vous avez interprété, si j'ai bien compris, comme un refus de progrès, en quelque sorte. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est la façon dont Fontenelle le présente dans l'éloge, en disant que le texte de la dîme royale n'a pas valu à Vauban ce qu'il aurait dû lui valoir, c'est-à-dire une reconnaissance. Voilà, hein, je n'ai pas... Pas, mais c'est vrai que je l'ai placé dans cet ensemble de disgrâces, je pense à Bois-Guilbert également, que j'ai cité, hein, et à Castel de Saint-Pierre. Oui, pour Fontenelle, il est certain qu'il y a eu là une espèce de piétinement de l'absolutisme qui n'a pas su reconnaître, enfin, qui n'a pas reconnu tout simplement à ce moment-là ce qui aurait pu ouvrir sur quelque chose d'utile. Il ne parle pas de progrès à ce moment-là. Il parle de choses utiles quand il parle de Vauban. Je ne pense pas en réalité pour la raison suivante. J'ai une très grande admiration pour Vauban, bien sûr, et tout ce qu'il a fait. Mais il faut bien voir qu'à l'époque où se situe la dîme royale, d'abord, il y a d'autres soucis. Et lesquels? Oui, c'est vrai. Et deuxièmement, elle est quasi inapplicable. Il faudrait changer tout le système financier, tout le système des impositions, et la royauté n'en est absolument pas capable. On a un problème d'ailleurs semblable avec Calonne par la suite également. Alors le deuxième point sur lequel j'ai été un peu surpris, c'est à propos de Fénelon, car entre les Lumières et les attitudes religieuses de Fénelon à l'égard des non-catholiques, il me semble qu'il y a quand même une opposition assez marquée. Oui, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que Rousseau lit profondément Fénelon. Ça peut être de façon critique, mais Fénelon irrigue complètement les mille, pas seulement. Je veux dire, ce que j'ai voulu exprimer, c'est que dans la perspective fontenellienne et de beaucoup d'hommes des Lumières, même l'opposition, je vais prendre l'exemple de Castel de Saint-Pierre, parce que Castel de Saint-Pierre, c'est quelqu'un qui... Il dit tout. La position religieuse qu'il a, c'est comme celle de la Palatine. Hein. On est sur une position qui est de retrait. Hein. Castel de Saint-Pierre, même dans ses textes les plus virulents, n'hésite pas à réutiliser des passages de Fénelon, par exemple, en les retravaillant. C'est ça que j'ai voulu dire. Lorsque, par exemple, Fontenelle, dans l'histoire des oracles, dit « le christianisme réutilise des textes, des thèmes néoplatoniciens, platoniciens, etc. etc. », c'est pas contradictoire. C'est-à-dire, il le montre, et les pères de l'Église l'ont montré avant lui, il ne fait que reprendre ce que montrent les pères de l'Église. Hein. Comment dire ça ? En fait, une réappropriation, une méditation, un travail qui est fait sur l'ancien, je trouve que c'est une vision erronée que de présenter les anciens et les modernes sous l'angle d'une rupture radicale. Même dans le cadre de la querelle, même dans le cadre de la pensée fontenellienne ou de celle des Lumières, ça ne marche pas comme ça. C'est plus complexe, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce qui intéresse Fontenelle, ce qui intéresse Castel de Saint-Pierre dans la réflexion sur l'État, par exemple, hein, je vais revenir à la religion tout à l'heure, c'est justement la difficulté du passage, c'est la complexité énorme du passage des notions, des valeurs. Lorsque Castel de Saint-Pierre aborde la question du bonheur public, qu'est-ce qu'il dit ? Il reprend le sermon sur la montagne, il reprend des textes sacrés, alors que il les interprète de façon, je veux dire, scandaleuse pour un catholique pratiquant, pas seulement de l'époque, mais scandaleuse. Hein. C'est ça que j'ai voulu dire. Hein. C'est ce retravail de notions anciennes. Alors, et pour revenir à la question de Vauban, je crois que Fontenelle n'était pas capable d'apprécier en spécialiste l'applicabilité ou pas de la réforme de Vauban. Ça, là-dessus... Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, mais ce qu'il y a, c'est que beaucoup de nos contemporains, nous, parlent de la dîme royale à cet égard comme si c'était quelque chose d'applicable facilement. Oui, c'est oui, pourquoi oui. J'ai. Oui, oui, vous avez raison, tout à fait. Oui, oui, absolument. Bien sûr. Bon, c'est tout. Donc, vous l'avez un petit peu abordé. C'est pas les noms. Qui s'oppose ? Votre nom, madame ? De Saint-Exupéry. Saint-Exupéry de Saint-Ex. qui s'oppose un peu à Fontenelle qui, la façon dont vous le présentez, fait un peu la loi sur tout ça ? Alors, il fait la loi, entendons-nous bien. Bon. Dans les réseaux académiques. Hein, pardon ? Ah Effectivement, lorsqu'il demande à Fleury de prendre sa retraite, il a 80 ans, et Fleury lui dit, vous êtes un libertin, parce que qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous serez à la retraite? Et Fontenelle n'abandonne effectivement le poste de secrétaire perpétuel que très très tard. Alors, c'est pourquoi, je ne vais pas donner les sous-titres en parlant, c'est pourquoi j'avais parlé, lorsque j'avais présenté ma proposition, de souveraineté de Fontenelle dans les années 1720 jusqu'en 1730, disons. À partir de 1730, alors bien plus encore après, il est extrêmement contesté par Voltaire, par exemple, hein, qui conteste cette souveraineté intellectuelle tout en l'admirant, mais enfin quand même, hein, des pointes qui sont assez violentes, hein, et par les encyclopédistes. Fontenelle, petit à petit, alors c'est pourquoi je disais, il a 64 ans dans les années 20, hein, D'Alembert l'admire quand même. Sauf D'Alembert. Mais il y a à la fois, voilà, c'est ça, c'est à chaque fois mitigé, c'est-à-dire il y a une reconnaissance de cette intelligence de Fontenelle, de ses audaces, de la façon dont effectivement il tient, hein, l'institution académique, et en même temps, à plusieurs reprises d'ailleurs, hein, des gens plus jeunes lui font remarquer qu'il est peut-être temps de céder la place et que d'autres viennent. Voilà, hein, donc il y a les deux choses. Il y a l'admiration et il y a la contrepartie. Il est aussi très moqué. Il y a énormément de petites chansons qui traînent sur lui, des poèmes, des choses comme ça. Les flèches sont envoyées très régulièrement. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui. Je crois que nous avons très bien travaillé ce matin, que nous avons mûrisé maintenant une heure ou deux de répit. Nous donnons rendez-vous à 2h30 cet après-midi. Merci beaucoup. Il faut que je prenne des noms, moi. Les gens ne donnent pas leurs noms.